Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Merci d'écouter Vivacité, il est 11h. L'actualité, on accueille Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, la minute de silence de 250 policiers venus à Charleroi pour soutenir leur collègue Carolo. Rassemblement ce matin devant l'hôtel de police. Certains sont en civil, d'autres portent leur uniforme. Ils peuvent écrire quelques mots aussi aux deux policières encore hospitalisées. On apprend que le magasin IKEA de Nieul en région liégeoise est évacué. On ne sait pas pourquoi. Les clients sont rassemblés sur le parking. Les automobilistes priés de patienter sur l'autoroute E411 à Bierge. Une remorque transportant un groupe électrogène s'est renversée. Il n'y a pas eu de blessés, mais une grande quantité d'hydrocarbures est déversée sur la chaussée. Nous en reparlerons bien sûr dans un instant. L'énigme dure depuis plus de 2 ans. Pourquoi le vol de la Malaysia Airlines a-t-il disparu dans l'océan Indien? Une nouvelle étude se base sur des analyses poussées réalisées par Boeing et sur de nouvelles données du département américain de la Défense. Et elle conclut que l'avion a plongé dans l'eau à une vitesse très élevée. Les opérations de recherche se concentrent sur une zone, vaste zone de 120 000 km², 3 fois la surface de la Suisse. Ces recherches n'ont toujours rien donné. Nous ne devons jamais laisser se répéter les terribles expériences d'Hiroshima et de Nagasaki. 71 ans après, Nagasaki se souvient aujourd'hui de la deuxième bombe atomique larguée dans son ciel. Elle a tué 74 000 personnes. À 11h02, heure locale, une cloche a retenti et les Japonais ont respecté une minute de silence. Aux Jeux Olympiques de Rio, la nouvelle médaille belge est en bronze et elle va au judo. Dirk Van Tickel termine 3e dans la catégorie des moins de 73 kilos et pour y arriver, l'Anversois a battu le vice-champion olympique. Par contre, le forfait des nageurs belges du 4 x 200 mètres fait polémique. On a pris une décision, je demande à tout le monde de la respecter, lance l'un des coachs de la sélection belge et il insiste, privilégier les parcours individuels. C'était prévu. Les nageurs auraient eu trop peu, visiblement, de temps de récupération entre les deux courses de la journée. Mais les réactions ne sont pas tendres. Les séries du 100 mètres libre se disputent en début d'après-midi à Rio, 1 heure avant les séries du 4 x 200 mètres libre. Le prix du diesel et du mazout de chauffage qui repartent légèrement à la hausse, plus 3,1 centimes pour le diesel et plus 2,95 centimes le litre de mazout de chauffage en fonction des quantités. Jean-Marc Stril, il y a donc cet accident à Bierge. Effectivement, confirmé d'ailleurs par la communauté coyote, c'est une remorque qui s'est retournée. Il y a du mazout sur la chaussée, le 411 Namur-Bruxelles, à hauteur de Wavre, de Bierge. Passage uniquement via la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite. Et donc, défile à partir de Corroy-le-Grand sur 6 km. Vous perdez 50 minutes en direction de Bruxelles. Le nettoyage de la chaussée va bientôt débuter, mais vous pouvez toujours sortir et quitter le 411 à Corroy-le-Grand pour soit vous diriger vers Nivelles vous dirigez vers la N4 en direction de Wavre pour reprendre un peu plus loin le 411 à hauteur de Bierge, où là c'est dégagé juste après. En ce qui concerne les travaux sur le 40 Bruxelles-Ostende entre Herpemer et Wetteren, il y a des files uniquement vers Ostende sur 15 km et vous perdez 20 minutes, un peu comme chaque jour. Et quelques ralentissements également en ce qui concerne la circulation intérieure du Ring entre Bercé et les Forêts en direction de Grand-Bigard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on apprend aussi à l'instant que l'évacuation du magasin IKEA de Nieul, c'était un exercice, grandeur nature. On espère que ça a fonctionné. Vous retrouvez Stéphane Piedbeuf, un air de vacances. Bon, bah c'est bien, il y en a qui ont profité pour faire le plein, alors, si je comprends bien, puisque ça va augmenter demain, comme vous l'avez dit. Ah oui, aussi. Eh oui, il faut faire le plein, là, de mazout. Merci beaucoup, et le plein de musique, c'est jusqu'à 13h dans un air de vacances. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Et nous, notre plein, il est gratuit, hein, il est gratos, on va pas augmenter de 2 centimes. Le plein de vitamine D avec des musiques ensoleillées et les tubes de l'été. Il y aura Raft tout à l'heure, il n'y a qu'à danser. Et à part les tubes de l'été, la météo des plages et de vos vacances avec Nicolas-Xavier Ladouce. On parlera du beau vélo de Ravel également. Et puis les cadeaux aussi. Beau cadeau aujourd'hui, on vous emmène à Océade et à Mini-Europe. Voilà les deux dans un seul pack cadeau. Et on vous offrira même un rail pass pour vous et 10 trajets pour par exemple profiter du littoral. Restez avec nous, on va commencer avec une chanson qui commence comme ça. Ne sois pas si timide, respire, repose ta tête, ferme les yeux, tu as raison. Allonge-toi simplement, tourne-toi vers moi, sens-tu ma chanson.

Et oui, et des cadeaux, Océade, c'est à deux pas de l'Atomium, un super endroit pour les petits, pour les grands, à partir de tous les âges, hein. On peut même y aller avec des tout petits enfants. Et puis pour les grands, il y a un nouvel espace zen, un espace sauna, et c'est très bien décoré. Je vous rassure, tout le monde est en maillot là-bas, hein. c'est pas un truc, y en a qui aiment bien faire du sauna, tout ça, tout nu, mais pas Océade, non. Ouais, non, c'est pas mon truc, Sylvain me regarde, on dit non, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, il y a les toboggans, il y a l'ouragan, le barracuda, le balade canon, il y a aussi l'aquafun house, et plein d'autres trucs très très sympas, et le bar s'appelle le Martinique. Alors là, franchement, c'est magnifique. Donc c'est les vacances juste à côté de l'Atomium. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez y aller à 4, parce que c'est 4 entrées, une entrée familiale, et on vous offre en plus des entrées pour Mini Europe. Alors vous pouvez cumuler les deux la même journée, ou alors aller une journée à Océade et puis une autre journée à Mini Europe. C'est deux journées sympas qui sont à gagner maintenant sur Vivacité. On va jouer par SMS au 60-03, ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message. Et là, ça va être difficile. Une seconde d'une chanson et on vous demande de nous envoyer l'interprète, donc l'artiste, le chanteur, la chanteuse ou le groupe par SMS au 60-03. Écoutez bien cette seconde parce que, à mon avis, ça va être très compliqué aujourd'hui. Voilà. Avez-vous identifié déjà la chanson, mais surtout, à qui appartient-elle cette chanson à l'aide de cette seconde? Une seule seconde pour identifier une chanson. Si vous avez la réponse, eh bien allez-y, tentez votre chance. Vous envoyez votre message au 60-03. On va réécouter quand même cette seconde, hein, histoire de gagner. Avez-vous trouvé? Si oui, à vous de jouer. 60-03 et direction Mini Europe et Océade. Bonne chance! Et c'est le moment de notre tout premier tube de l'été. Et oui, c'est Mano, la tribu de Dana. Contrairement aux idées reçues, Mano est un groupe parisien qui a raflé la mise en 1998 avec plus de 1,5 million de copies vendues de ce titre. Trimartolode, une chanson traditionnelle bretonne. Le titre est numéro 1 en France. Et tube de l'été cette année-là des deux côtés de la frontière. La tribu de Dana, voici Mano sur Viva. Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgé d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême, plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.

décidez d'avancer. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et dans un instant, nous appellerons la grande Sophie qui sera après-demain au Brussels Summer Festival pour les people en vacances. Mais tout de suite, place à la météo des plages et des vacances. Et dans un instant d'ailleurs, vous allez gagner votre Rail Pass SNCB pour voyager où vous le souhaitez en Belgique et pourquoi pas à la mer du Nord. La météo des plages et de notre littoral avec vous, Nicolas Xavier Ladouce. Bonjour, n'est-ce pas un temps favorable à la pratique du cerf-volant plutôt qu'à la baignade ces derniers jours ? Ah Stéphane, c'est vrai que le vent est bien présent pour l'instant au littoral, mais cela a un avantage aussi, c'est de bien nettoyer le ciel. C'est pourquoi on retrouve en général les éclaircies les plus larges ces temps-ci au littoral. Ce sera encore le cas aujourd'hui, un beau soleil près du littoral, alors que dans l'intérieur des terres, il faudra composer avec davantage de nuages et même un risque d'averse sur le nord-est du pays. On en sera loin donc de Knokke jusqu'à La Panne, avec 19 degrés dans l'air, 18 dans l'eau. Beau soleil donc, mais ce vent qui fait que le ressenti sera assez frais, mais en même temps, on a l'habitude au littoral de ce bon vent vivifiant. Cap sur Saint-Rémy de Provence. La destination est demandée par une certaine anonyme, Nicolas. Anonyme, je ne la connais pas. Par contre, j'ai connu un homonyme, mon Stéphane. Oui. Bon, alors, du côté de Saint-Rémy de Provence, cet après-midi, des températures élevées. On attend 29 degrés, assez bien de nuages pour commencer la journée, mais ça se déchire au profit du soleil. Idem pour mercredi et jeudi, donc demain et après-demain. Les nuages seront nombreux au lever du jour. Par contre, ils vont se déchirer au profit du soleil qui finira toujours par s'imposer. On attend 27 degrés pour demain et après-demain. Et puis après, une envolée des températures pour la toute fin de semaine et pour le week-end. 30 degrés vendredi. 32 degrés pour dimanche, pour lundi également, le tout sous un franc soleil, comme quoi on ne sera pas les seuls à profiter d'une belle amélioration. Eh ben c'est génial, merci Nicolas Xavier Ladouce. Et puis tout à l'heure, on vient de recevoir un SMS de Brian, nous irons à Ibiza, donc restez avec nous si vous souhaitez savoir s'il va faire beau là-bas. En même temps, dans les boîtes de nuit, il fait toujours beau, hein, il fait toujours noir et il fait toujours chaud, hein, c'est surtout ça. On va vous offrir maintenant sur Vivacité un Rail Pass de 10 trajets au choix, utilisé quand vous le désirez, vers où vous voulez. Pour qui vous voulez, pas de limite d'âge, c'est valable un an à partir de la première utilisation. Le Rail Pass pour le gagner, vous envoyez, bah aujourd'hui vous allez envoyer Blankenberg, on va voir tiens si vous allez bien l'écrire, Blankenberg par SMS au 6003 pour 75 centimes d'euros l'envoi de message. Eh oui, le dictionnaire des téléphones, à mon avis, ne connaît pas Blankenberg, donc voilà, bonne chance. Blankenberg au 6003 et à tout de suite en direct sur Vivacité. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. hein, c'est belge en plus, hein, c'est Alex Germis avec Sweet After Glow sur Vivacité. Et hop là, j'appelle chez vous à la maison pour vous offrir le Rail Pass de 10 trajets SNCB pour voyager où vous le souhaitez. Le train.be hein, pour toutes les informations, ça sonne. Vous avez envoyé Blankenberg par SMS. Hello. Bonjour, bienvenue sur Vivacité, quel est votre prénom? Émilie. Émilie, enchantée Émilie, comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais ça va bien, où êtes-vous? Dans quelle région? J'habite Gèves, dans la province de Namur. À Gèves, et vous êtes en congé, vous êtes au travail? Non, je suis en congé, je profite de ma maman. Vous profitez de votre maman? Ah, vous êtes toute jeune alors? Non, j'ai quand même 28 ans. 28 ans, et donc vous êtes chez votre maman, tranquille. Oui, voilà. Tout à fait. Et vous partez pas en vacances cet été? Ben, je comptais offrir 2-3 jours à la mer à maman au mois de septembre. Ah bah c'est super, ça va lui faire plaisir. Elle va pouvoir utiliser le Rail Pass. Hein. Et si elle veut même revenir un jour et puis y retourner après, il y a 10 trajets, vous en faites absolument ce que vous voulez sur le réseau de la SNCB. C'est fort gentil. Et bah c'est pour vous. Bah merci beaucoup. Bon bah bel après-midi à vous. Hein. Merci, à vous aussi. Un bon apéro avec maman peut-être. Il y a toujours de chance pour fêter ça, tiens. Ah bah voilà, un petit apéro. Tiens, il y a quoi au frais chez vous? De la sangria. Oh bah carrément. Ah bah on y va. On y va, ouvrez la sangria, bah, santé. Vous pouvez venir. On arrive tout de suite. On va demander à Pascal Obispo de tenir l'antenne jusqu'à... Ah bah non, ce ne sera pas possible, puisqu'il est disponible que 3 minutes 35. Et en plus, il n'est pas tout seul, hein. Il y a Natacha Saint-Pierre avec lui. Je vous embrasse, à bientôt, Émilie. Ben merci, à vous aussi, bon après-midi. Et tournée générale. Tout à fait, avec plaisir. Y'a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Y'en a qui voudraient. Y'en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Si on devait mourir let the summer go. I found it in Monaco, dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. At the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime. Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there? The Moon, c'était Milo sur Vivacité. Elle sera au Brussels Summer Festival dans la prestigieuse salle de la Madeleine après-demain, jeudi, à 22h. C'est la Grande Sophie dans les People en vacances. Bonjour la Grande Sophie. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, écoutez, il fait beau à Paris, donc tout va bien. Ah bah ici aussi, il fait beau, un peu nuageux, mais voilà. On a déjà connu mieux. Forcément, vous, les vacances, c'est quand ? Quand est-ce qu'on part en vacances quand on est artiste et qu'on fait plein de festivals pendant l'été ? Eh bien, moi, je partirai à partir de septembre. J'aurai un peu plus de temps. Mais c'est bien aussi de passer un été à Paris au mois d'août. Il y a plus grand monde et on fait moins la queue, on va dire. Il n'y a plus d'embouteillage ? Ah non, non, non, tout est clair. Tout est, non, c'est très agréable, Paris, au mois d'août. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous ? Autrement dit, votre tube de l'été préféré ? Ah, bon, cette année ? Cette année ou dans les années précédentes, c'est vraiment alors, comme attendez, vous voulez. Alors, mon tube de l'été, quelque chose... Ah, alors, l'autre fois, j'ai posté justement Polo and Pan. Polo and Pan. Avec le, c'est un jeune groupe et je trouve que leur musique fait très vacances. Et par exemple, leur titre s'appelle Canopée. Et quand les premiers accords commencent, on a l'impression d'être sur la plage. Et j'adore cette sensation. Polo and Pan. Et c'est sur votre page Facebook à vous ? Oui, j'avais fait découvrir le titre à ceux qui me suivent. Et j'ai l'impression que, en tout cas, tous ceux qui m'ont répondu ont ressenti la même chose, cette ère de vacances. C'est ça, Polo and Pan. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Ah, c'est vraiment top. Et en plus, c'est en français. Ah, c'est très bon, ça. C'est très, très bien. Bravo. Et c'est, alors moi, je m'imagine comme ça, sur le sable, en train au bord de la mer, même si je suis chez moi, dans mon appartement. Ça fait du bien de ce genre de sensation. Bon, allez, restons au bord de la mer, les yeux fermés, la grande Sophie. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Mon meilleur souvenir de vacances, je vais prendre quelque chose qui n'est pas très loin. La dernière fois que je suis partie, justement, que je suis retournée en Asie pour ma tournée où j'ai chanté Hanoï à Hanoï, j'ai prolongé ensuite pour des vacances et je suis allée dans les îles au Vietnam. Wow. C'était très agréable, donc je m'en souviens encore et j'ai même envie d'y retourner. Vous êtes plutôt camping ou hôtel ? Alors, j'ai fait beaucoup de camping quand j'étais enfant avec mes parents. Alors maintenant, c'est vrai que je préfère aller à l'hôtel. voilà. On aime toujours ce qu'on n'a pas connu. Hein. Ça, c'est un classique. C'est vrai. Piscine, mer ou montagne? Alors, moi, c'est la mer. Quelle est la météo idéale de vos vacances? C'est mieux, oui. J'aime beaucoup la chaleur, même quand il y a des festivals, que les gens commencent à râler, il fait trop chaud. Moi, j'adore ça. J'adore quand mon coude commence à déraper sur ma guitare. C'est parce que je suis née déjà au mois de juillet. Et c'est une saison que j'attends. Avec vous êtes cancer aussi, vous? Oui. Mais j'adore l'été, j'adore la chaleur, j'adore marcher pieds nus. Pour moi, c'est le symbole de l'été, pouvoir marcher pieds nus. Bon, alors entre nous, est-ce que vous avez un apéro, un petit cocktail de l'été que vous sirotez sans ou avec modération? Alors, je suis assez fan du daiquiri. Ah oui. Avec de la fraise ou pas? J'aime bien le daiquiri. Non, citron. Ah, citron. Ouais, parce qu'il y a la pêche, fraise, il y en a un peu de toutes les couleurs des daiquiri. Non, je préfère le daiquiri citron. Ouais. Bon, voilà, c'est un petit... D'accord. Un petit plus quand... La glace, c'est plutôt la fraise, la vanille, le chocolat, un autre parfum? Moi, j'aime bien tout ce qui est glace à l'eau. Donc, tout ce qui est sorbet, la fraise, ça me va très bien. La mangue aussi. Ouais. Vous connaissez bien la Belgique puisque vous venez souvent dans les festivals. Vous étiez au Francofolie il y a quelques jours maintenant. Vous serez au Brussels Summer Festival. Est-ce qu'il y a un endroit chez nous en Belgique où vous vous sentez vraiment en vacances? Ben, la dernière fois qu'on est allé à Spa, au Franco, justement, on a choisi avec toute l'équipe de faire notre day-off. On avait un day-off au milieu de la tournée. Oui. Et on s'est pas mal baladé dans Spa. On a pu assister à des concerts parce qu'on a peu le temps de le faire habituellement. Oui. On est allé aussi au terme de Spa. On en a vraiment profité. En plus, le temps était avec nous. Donc, on a été superbement accueillis. Ça, je remercie encore les Franco de Spa. C'était vraiment génial. Oui. Donc, de toute façon, à chaque fois aussi que je passe une frontière, quelque part, il y a un petit côté où, qui fait vacances malgré tout. Oui, vous êtes constamment en vacances finalement, avec votre guitare, votre groupe, votre équipe. Bon, alors, que va-t-il se passer sur la scène de la salle de la Madeleine au Brussels Summer Festival après-demain à 22h? Bah déjà, on va célébrer les 15 ans du festival. Oui. Puisque c'est un bel âge, 15 ans. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suis venue de nombreuses fois. Et ce qui va se passer, ben, on va me retrouver avec ma guitare électrique, puisque cette tournée, elle est très électrique pour moi. Je fais des solos à la guitare, ça m'amuse beaucoup. Et puis, il y a un mélange de tous mes albums aussi. Donc voilà, c'est tout ce que vont retrouver les gens. Et j'espère qu'on va partager ça tous ensemble, qu'on va chanter ensemble, ça va faire du bien. Bon, il y a les porte-claques qu'on écoute très souvent sur Vivacité. Il y aura certainement Ma Colère, Hanoï... Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Plein de chansons comme... Ah, il y a des surprises aussi, parce que j'aime bien faire de temps en temps. Ah, des oui reprises qui évoluent au cours de la tournée. Donc là, je ne vais pas vous dire quelles reprises je vais faire. Ah mince, c'était ma prochaine question, justement. Eh bien non, je garde les surprises. Ça, c'est important de garder les surprises. C'est génial. Alors, en même temps, on aimait bien les pochettes surprises aussi. Donc ça donne envie de venir vous voir en concert. Et c'est ce qu'on fera après-demain à 22h à la Madeleine dans le cadre du Brussels Summer Festival. Merci beaucoup, la grande Sophie. Passez Merci, un bel été sur les scènes. À bientôt, au revoir. Vous aussi, au revoir. C'est vrai que c'est très sympa, hein, ces enfants. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so. des hits de 1998, c'était les Lighthouse Family avec Eye sur Vivacité. L'été du bon côté. En parlant de Eye, on parlait d'une vidéo avec Émilie de Kegel qui vient d'en rejoindre. Ça va, Émilie? Oui, ça va, ça va nettement mieux que l'athlète. On parlait de ça avec Sylvain pendant la musique. Vous avez vu une vidéo terrible de cet athlète français qui s'est complètement bousillé la jambe. Mais ouais, double fracture, je sais pas trop quoi. Et alors, il a la jambe un peu à la Elastic Girl, quoi. Donc, il n'y a pas de fracture ouverte, on voit rien, mais la jambe est complètement bizarroïde. Et donc, oui, Eye, ça doit faire très très mal. Ça doit faire très très mal. Et c'est surtout, ça doit faire très mal à sa carrière. Je pense qu'à un moment donné, elle va s'arrêter pendant quelques temps. Ah bah oui, là, c'est clair. Il va falloir réparer la jambe. Ah oui, là pour le coup. Bon, aïe ou pas aïe dans mais l'été du bon côté. L'avantage dans cette situation-là pour cet athlète, c'est qu'il va devoir rester beaucoup de temps tranquille à la maison, peut-être sur son lit d'hôpital. Et que faire pour occuper ces longues heures? Il va pouvoir regarder la télé, il va pouvoir jouer sur sa console de jeu et il va pouvoir lire, parce qu'on oublie de plus en plus de lire. Eh bien aujourd'hui, avec Michel Dufrane, qui est notre chroniqueur... on le voit très souvent dans le 6-8 avec les dans le 6-8, voilà, notre chroniqueur littéraire. On va faire un petit tour de toutes les bonnes sorties bouquins de cet été, les incontournables. On va peut-être mettre des auteurs en avant, ceux que vous préférez, ceux que vous lisez, alors que ce soit du thriller, du roman de gare, pour les enfants, pour les petits, pour les plus âgés, des collections, le nouveau Harry Potter par exemple. On va probablement parler. Il y a des livres très sympas pendant l'été. Il y a des livres très très sympas. C'est l'occasion d'effectivement se poser, de se reposer un peu avec des bons bouquins. Donc si vous avez vous aussi des suggestions à nous faire, une proposition d'un bouquin, d'un auteur peut-être, n'hésitez pas, on attend vos réactions dès à présent sur la page Facebook et par SMS aussi au 3063. Ouais, moi j'ai lu un très beau livre qui s'appelle les mots croisés. Sudoku ou mots fléchés? Ah ben j'hésitais en fait, parce qu'il y avait plusieurs tomes. Moi je préfère mots cachés. Moi j'ai pris le mot fléché et je vous avoue que ce bouquin était formidable. Avec le lexique derrière. J'ai pas encore fini de le lire d'ailleurs. Bon. Allez, trêve de plaisanterie, super sujet tout à l'heure entre 13h et 15h sur Vivacité. Et puis vous revenez avant 13h avec les tubes de quel pays? J'ai oublié. De l'Inde. Ah oui, de l'Inde, c'est vrai. On partira à Bollywood alors tout exactement. À l'heure. C'est génial. Allez, à tout à l'heure, Émilie. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. Moment c'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Pour que je m'en sorte, prie pour que mieux je me porte. Ne me jette pas la faute, ne me ferme pas la porte. Un homme debout, c'était Claudio Capeo. Et dans un instant, eh bien, nous écouterons Queen, Another One Bites the Dust. Et aussi Aurore Salsano qui viendra nous donner des bons conseils. On a beaucoup parlé de jet lag avec ces Jeux Olympiques, hein, nos athlètes qui sont partis à l'avance parce que, bah, il fallait s'adapter à l'horaire là-bas sur place à Rio. Mais le jet lag, ça concerne tous les voyageurs ou presque. Ce sera le sujet de la conso dans un air de vacances d'ici quelques instants. Samouraï, Dame, Tomasenko, Ablaï Sissoko et Constantinople, Lula Pena, une carte blanche à Manu Hermia, Trick Track Trio et Polairement, Diab Quintet, Refugees for Refugees, des stages, des concerts gratuits intra et extramuros. Le Festival d'art de Huy, musique et voix du monde. Du 20 au 24 août. Info, huyartfestival.be. Avec l'avenir et vivacité. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Another one bites the dust. Another One Bites the Dust, c'était le groupe Queen. Et Aurore Salsano est parmi nous avec la conso. Si ces vacances, vous avez décidé de partir loin, voire très très loin, vous risquez de souffrir du jet lag, le fameux décalage horaire. Mais heureusement, Aurore va vous donner quelques trucs pour le ressentir un peu moins. Précisons d'emblée que le décalage horaire ne s'applique que si l'on fait un voyage en avion à travers au moins 3 fuseaux horaires. Donc votre virée d'hier à Ostende pour expliquer un retard au boulot, eh bien vous oubliez. On peut dire, pour simplifier, que le corps n'arrive pas à s'adapter à des données qui ne lui paraissent pas cohérentes. Si vous partez le matin qu'il fait nuit, il a du mal à accepter que 15 heures plus tard, ce soit toujours la nuit. C'est un exemple. Résultat, vous avez du mal à vous endormir, vous êtes fatigué. Et qui dit fatigue, dit grognon, ce qui n'est gai pour personne. Les symptômes peuvent même parfois être bien plus sévères. Bon à savoir, le décalage vers l'ouest est plus rapide et mieux supporté par le corps que dans le sens inverse. On estime qu'un décalage horaire de 3 heures est récupéré en 3 jours de l'ouest vers l'est, mais en 2 jours dans l'autre sens. Voici donc quelques conseils simples à respecter. Anticiper. Ne pensez pas que vous privez de sommeil avant de partir vous assurera une meilleure nuit en arrivant que du contraire. L'idéal est de préparer le corps, donc même si vous ne dormez pas, allongez-vous à l'heure supposée de votre nuit suivante. Ne prenez pas d'alcool ou de repas trop lourds qui perturbent aussi le sommeil avant, pendant et juste après votre voyage. Si vous restez plusieurs jours sur place, dès l'arrivée, forcez votre corps à s'adapter à de nouveaux rythmes. Prenez vos repas et dormez aux heures locales. Vous pouvez d'ailleurs modifier votre montre dès votre arrivée dans l'avion pour avoir déjà de nouveaux repères. Par contre, si vous restez très peu de temps, gardez tant que possible vos habitudes de votre fuseau horaire d'origine. Un bon conseil, évitez tant que possible les somnifères et si malgré tout vous y avez recours, faites-le avec l'avis du médecin. Enfin, sachez que le décalage horaire n'affecte pas tout le monde de la même façon. Les photos, les cadres sont pourtant bien là, vestiges de gloire, douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre, toutes mes pendules tournent à l'envers. J'amasse les heures entre toi et moi, gravats de rancœur et d'effroi. Il faudrait en rire, c'est tellement banal. Mélotragédie de balle. Je sais, il y a bien pire. Je sais, l'hôpital. Mais puis-je au moins dire que ça fait mal? Je peux te dire mardi avec nous sur Vivacité. C'était Christophe Willem, après toi. Et si vous preniez l'été du bon côté? Ah, les vacances, peut-être le seul moment dans l'année où nous avons le temps de lire, alors autant bien choisir. Auteurs à succès, best-sellers, découvertes, sorties, nous saurons tout sur les bouquins à ne pas manquer ce mardi dans l'été du bon côté, dès 13h sur Vivacité. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité avec Émilie de Kegel. Vous aimez vivre ici? Nous aussi. Alors cet été, Vivacité vous parle d'ici. Et ici aussi? Oui, ici. Non, par ici. De 15h à 17h, tous nos animateurs mettent en avant le meilleur de leur région avec Marc Vernon sur Vivacité. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Bon appétit, voici l'actualité avec Delphine Reux. Bonjour, ils sont en uniforme ou en civil. 250 policiers rendent hommage à leurs collègues attaqués samedi à Charleroi. Ils sont rassemblés devant l'hôtel de police, là où deux femmes ont été agressées à la machette. Les policiers se sont tus, minute de silence, puis ils ont pris la direction de l'hôtel de ville. Les esprits sont toujours très marqués. Marie-France Boujard est inspecteur principal au service intervention de la police de Charleroi. Un sentiment de tristesse, de rage. On a eu deux collègues qui sont tombés au sol, fortement blessés. Donc aujourd'hui, on a voulu leur apporter notre soutien par ce rassemblement. On a eu toutes des zones de police qui se sont jointes à nous pour faire savoir à nos collègues qu'on était tous derrière elles. Donc oui, c'est émouvant. Et on le voit, ça ne touche pas uniquement que la police locale de Charleroi. Il y a vraiment des policiers venus des quatre coins de la Belgique. Grosse mobilisation, ça vous touche, ça? Vous y attendiez? On ne s'y attendait pas, on espérait. Voilà, aujourd'hui, on est tous là. On va juste prendre conscience qu'on a un métier dangereux, que ça peut arriver à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Donc, voilà. Un témoignage recueilli par Sarah Deveau. Et le roi et la reine sont également à Charleroi sur les lieux de l'attaque. Ils doivent discuter avec les policiers qui étaient en service samedi. Une visite est aussi prévue au grand hôpital de Charleroi où les deux policières ont été prises en charge. L'une d'elles a été transférée hier à Bruxelles pour y être à nouveau opérée. Il faut racler l'autoroute. Un accident provoque de gros embarras de circulation à Bierges dans le Brabant wallon. Pas de blessés, mais une importante quantité d'hydrocarbures renversée sur l'autoroute. Le nettoyage s'étend sur une longueur de 300 mètres. Il faudra ensuite remettre du tarmac sur les deux bandes de circulation. L'opération risque fort de prendre toute la journée. Ce 9 août est le jour du traditionnel Maybaum pour les Bruxellois. Les amateurs de folklore vont se retrouver pour l'implantation de l'arbre dans le centre de Bruxelles en fin d'après-midi. Mais les porteurs d'arbres, les Boom Drogers, pour eux la journée a commencé tôt ce matin. Reportage signé Véronique Fievé. Dans le bois, pour l'arbre, il n'y a qu'un seul qui choisit la mesure et les branches qu'il faut. Ce sera Boom. Jean van der Hagen est le président des Boom Drogers. C'est lui qui a organisé dès 7h ce matin la coupe de l'arbre qui portera chance à Bruxelles pendant un an. L'arbre sera ensuite présenté à Schaerbeek, Saint-Josse pour rejoindre la Grand Place de Bruxelles vers 14h30. Un épisode du folklore bruxellois qui lui a valu de figurer sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 8 ans. Jean van den Heuvel, grand maître des Compagnons de Saint-Laurent. Nous avons été reconnus à l'UNESCO via nos géants. Ce sont des géants portés, dansés, donc ce ne sont pas des géants statiques ou des géants sous roulettes. Le Maybaum rappelle depuis le Moyen-Âge une victoire des Bruxellois sur les Louvanistes, une sombre querelle née d'une taxe sur la bière. Mais après 708 ans, il reste une certitude, l'arbre devra impérativement être planté avant 17h, sinon... Eh bien, sinon rien. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que cette expression du folklore bruxellois est toujours bien présente. Tout à fait, et je dirais même il y a un regain d'intérêt dans les plus jeunes, ce qui n'est pas mal. Un reportage signé Véronique Fievé. Un touriste chinois a aussi passé ses vacances dans un centre d'accueil pour réfugiés en Allemagne. Incroyable histoire. En venant signaler le vol de son portefeuille, il a, sans le savoir, signé une demande d'asile. et a été transféré à 360 km de son point de départ. Il ne parle que le mandarin et pendant 2 semaines, il a tenté de raconter son histoire. C'est un employé d'un restaurant chinois qui a fini par être appelé à la rescousse et qui l'a sorti de là. Ce Chinois conclut que l'Europe n'est vraiment pas ce qu'il attendait. Quatrième journée de compétition aussi à Rio et 2 Belges sur les cours de tennis, Kirsten Flipkens, ce sera vers 16h heure belge, puis David Goffin. Le judo belge est sur son petit nuage depuis la médaille de bronze de Dirk van Tiegelt. Autre espoir aujourd'hui avec l'ennuyé Joachim Botio en moins de 81 kilos. Il combat aux alentours de 18h. De la natation aussi la nuit prochaine avec plusieurs Belges engagés. Et du hockey, les Red Lions, toujours invaincus, affrontent les Australiens. Attention, ils sont champions du monde et favoris du tournoi. Jean-Marc Strel, cet accident donc à Bierge. Oui, bien sûr, et cette remorque retournée sur le 411 d'un mur Bruxelles avec un passage qui s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite. Donc vous n'êtes pas à l'arrêt, vous n'avez pas été non plus, mais il y a évidemment pas mal de fils à partir de Corroy-le-Grand sur 6 km et vous perdez actuellement une demi-heure en direction de Bruxelles. Il y a du mazout sur la chaussée et vous l'avez dit, ça va durer le temps de nettoyer tout cela tout au long de la journée. Vous pouvez quitter le 411 à Corroy-le-Grand pour vous diriger vers Nivelles ou alors prendre le rond-point de Corroy et emprunter la N4 en direction de Wavre pour retrouver le 411 un peu plus loin à hauteur de Bierge. Quoi qu'il en soit, patience. D'autres ralentissements sur le 40, Bruxelles-Ostende entre Herpemer et Wetteren. Ce n'est pas une surprise, vers Ostende, ce chantier vous ralentit sur 15 km et vous perdez 20 minutes. La circulation intérieure du ring également entre Bercé-les-Forêts dans la zone des travaux en direction de Grand-Bigard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et pour vous accompagner, Stéphane Piedbeuf et un air de vacances. Avec le soleil et la musique. Merci Delphine Vreux. Le journal, ne le manquez pas, ce sera à 13h. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Avec la météo des plages et de vos vacances, Nicolas Xavier Ladoux sera là dans quelques minutes. Les people en vacances, on va parler avec le créateur du tube Paradisio. Il y a une super version remix de Vamos a la Playa que vous découvrirez aussi avec Patrick Samoa ou Patrick Club Carter. Mais tout de suite, c'est David Guetta et Sam Martin, Dangerous. You take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Show me your soul, I gotta know. Bet that you're beautiful inside. Toes on the grass, car moving fast. Come take the wheel and drive. un instant, le deuxième tube de l'été sélectionné par l'équipe de Vivacité pour vous, ce sera Raft avec Y'a qu'à danser. Mais tout de suite, cadeau. Je vous rappelle que vous pouvez gagner OCA des mini-Europe, des accès pour une journée inoubliable en famille dans les deux parcs, invitation familiale, donc deux adultes, deux enfants. C'est toute la saison 2016 que vous allez pouvoir vous y rendre, OCA, avec des attractions aquatiques essentiellement. Il y en a vraiment pour toute la famille, des tout petits aux très grands. Et puis mini-Europe, bien sûr, le parc mythique à deux pas de l'Atomium. Et donc avec ce pass que nous allons vous offrir, vous allez pouvoir profiter des deux parcs, de mini-Europe, mais également d'Océade. On joue par SMS au 60-03, ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message, et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre jeu est assez compliqué à lire vos SMS. Pas mal de mauvaises réponses sont arrivées au 60-03. Nous recherchons donc un artiste, l'interprète d'une chanson, et on vous diffuse une seule seconde de son répertoire. On va réécouter ça, c'est... Et ce ne sont pas les Bronski Beat, ni les Pet Shop Boys, c'est pas Boney M, c'est pas Patrick Hernandez, c'est pas Moby avec Let Me Up, ce n'est pas Barry White, ce n'est pas Philippe Cataldo. Il y a quand même pas mal de bonnes réponses. On m'a proposé Abba aussi, c'est pas ça. Les Pet Shop Boys reviennent très souvent, ce ne sont vraiment pas les Pet Shop Boys. Quelqu'un qui nous dit même c'est It's a Sin, ce n'est pas cette chanson-là. Voilà, donc on recherche l'interprète de cette chanson. Si vous avez une idée, ben n'hésitez pas à participer par SMS au 60-03 parce que c'est un petit peu plus corsé que les derniers jours. Hein. C'est un petit peu plus corsé que le salut d'hier si vous étiez là. Allez, réécoutons cette seconde. Réfléchissez bien, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver. Bonne chance à vous, vous jouez par SMS au 60-03 et dans quelques minutes, on vous appellera en direct à condition d'avoir la bonne réponse, bien sûr. Topitz, astuce congélation du jour. Nous, les sacs congélation Topitz, tenons droit spontanément. Pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Topitz. Présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Prêt pour l'aventure? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Un air de vacances sur Vivacité. Nous sommes en 1987, deux Français ont eu une période de gloire, c'est cette année-là, avec ce titre qui s'est classé numéro 2 des ventes en France. Et ils ont fait d'ailleurs les premières parties du groupe Niagara cette année-là, et puis de copieuses diffusions dans tous les dance floors durant l'été de cette année, 1987. On se rappelle de Raft sur Viva avec Y'a qu'à danser. Tout cassé. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez. D'hommes et d'hommes en bas tout tombe à Nouvelle-Calédonie. Qui reste aborigénal à la fin des colonies. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle. Y'a qu'à danser, Biggie, Zouké, Gazé, Fille, tout mélanger, Grasse et Peau, tout coller. Y'a qu'à rouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous tout lier, couleur et s'en mêler. Sincero, Varsovie ou Soweto, à chacun ses ghettos. Je t'hésite en humilié au mot pour un bon à rien. Mille Indiens décimés pour un fier américain. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la forêt, l'air mort. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et en ivoire. Y'a qu'à danser, qu'à danser, virer, zouker, gaz et fil, tout mélanger, passer pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swinguer, secouer à nous, aller, à jamais nous tout lier. Tout mélanger, grâce pour tout coller. Y'a qu'à rouler, swinguer, secouer à nous, aller, à jamais nous tout lier, couleur et sans mêler. Y'a qu'à danser, qu'à danser, végin et souké, gaz et fille, tout mélanger, grâce pour tout coller. Y'a qu'à c'est plus facile de pointer du doigt. guitare, le groupe Delta en concert Vivacité dans quelques jours, même quelques heures, au Brussels Summer Festival dans le cadre de la soirée à la française le 11 août. Et puis en concert également le 14 octobre, un petit peu plus tard, à la salle de la Madeleine de Bruxelles. Delta, un vrai coup de cœur, Vivacité. Midi 20, il est de retour en pleine forme pour vous rendre un service fabuleux, vous dévoiler la météo de vos vacances. Nicolas-Xavier Ladouze, quel temps fait-il à Ibiza, nous demande Brian de Bouffiou. Ah, Brian de Bouffiou, c'est un petit peu notre Bryce de Nice à nous, toujours à aller traîner du côté d'Ibiza. Et c'est une très bonne idée car la météo sera vraiment de la partie. On attend 32 degrés aujourd'hui, un beau soleil, une mer à 26 degrés et un indice de confort de plage vert. Par contre, un index UV de 8. Et donc là, il faut vraiment bien se protéger du soleil. Chapeau obligatoire dans ces conditions. La moins bonne journée de la semaine, ce sera demain du côté d'Ibiza puisque le ciel sera chargé avec même un petit risque d'averse l'après-midi. 28 degrés, puis ça va s'améliorer. Les jours suivants, à partir de jeudi, retour de conditions bien ensoleillées. Et puis les températures repartiront à la hausse pour à nouveau atteindre la barre des 30 degrés durant le prochain week-end. Quittons les boîtes de nuit pour les rivages de Porto au Portugal. Thérèse rejoint son amie Micheline demain le long de l'océan Atlantique. Et c'est qu'elles vont passer du bon temps, Thérèse et Micheline, puisque pas une ombre dans la prévision météo pour la région de Porto. Si on doit noter quelque chose, c'est un vent assez soutenu ce mardi du côté de la côte atlantique. Portugaise. On attend 28 degrés à Porto. L'indice de confort de plage est vraiment excellent, vert pour tous les prochains jours jusqu'au prochain week-end. Et côté température, donc ça va grimper. 29 degrés demain, 30 jeudi, vendredi, samedi, 33 degrés dimanche et 32 degrés lundi. Le tout sous un franc soleil. Attention à l'index UV de 8. Il faut donc bien se protéger de ce côté-là de l'Europe aussi. Eh ben, ça donne envie d'aller à Porto au Portugal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec 33 degrés et plein de soleil, ça change d'ici. Dans un instant, ce sera le beau malheur d'Emmanuel Moire. Vivacité présente la nuit des étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la nuit des étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur la 2. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Namur comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par le chef étoilé Karl Gillin et des milliers de beaux héros escortant Christophe Bourdon sur la route merveilleuse. Ce dimanche, juste après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. L'ADEPS, ce n'est pas que des marches points verts et des stages sportifs. C'est aussi un tremplin de qualité pour envoyer briller nos sportifs francophones de haut niveau aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Suivez les performances à Rio de Nafi Thiam, de Charline Van Snick, des frères Borlée, de Joachim Gérard et de tous les autres sur www.sport-adeps.be avec Vivacité et les éditions de l'avenir. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous en selle pour découvrir mon Namur. Rendez-vous ce 13 août, on brunch sur la plus grande citadelle d'Europe, et puis on pédale vers Malonne, Bois de Villers et les bords de Meuse. À l'arrivée, concert gratuit de BJ Scott and Friends. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Plus rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse, et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire.

Kaigo était sur Vivacité avec Stay. Et là tout de suite on va appeler chez vous. Pourquoi ? Afin de vous offrir une journée inoubliable en famille à Océade et à Mini Europe pour 4 personnes. Composons un numéro de téléphone de quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse. C'est vrai que le jeu était plutôt compliqué aujourd'hui. Hein. Et ouais, on a encore reçu pas mal de mauvaises réponses, mais heureusement il y avait des bonnes réponses. Donc on appelle quelqu'un qui a envoyé une bonne réponse. Par exemple, on nous proposait Isabella Gianni, c'est pas ça. C'est pas Calogero non plus. On nous a proposé les Communards, Jimmy Somerville. Allô, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, c'est à vous de savoir qui est à l'appareil, monsieur. Alors, c'est vous qui vous occupez des facteurs de téléphone à la maison? Non, du tout. J'ai un téléphone professionnel, donc je vais vous laisser parce que je suis au travail. Non, c'est Vivacité. Ah, d'accord. Vous ne raccrochez pas. Vous avez de la chance. Ouh, je sentais le raccrochage éclair. Le raccrochage éclair. Bonjour, bienvenue, vous êtes en direct. Et alors, on n'écoute plus Vivacité à 12h32? Non, parce que je suis en train de prendre ma pause. Eh ben, c'est perdu. Vous n'avez pas le mot de passe, c'est dommage. Ah, ça c'est bête. Bon, quel est votre prénom? Sandrine. Sandrine, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour le moment, je suis en train de travailler. Je suis maman de 2 enfants. Oui. Et voilà, j'ai un conjoint qui est à la maison, qui m'écoute peut-être. Donc voilà. Et moi, j'étais dans la voiture, je me suis arrêtée, j'ai envoyé le petit SMS, et là, je prends ma pause. Et voilà. C'est quoi votre boulot? Alors, je travaille à l'ONE. À l'ONE, d'accord. Donc, voilà. C'est le domaine de l'enfance, à l'ONE. Hein. Tout à fait. Ok. Bon, allez Sandrine, vous avez été très très douée, car franchement, on a reçu beaucoup de mauvaises réponses quand même aujourd'hui. Oui, j'avais entendu, et moi je me suis dit, on n'a pas quitté Calogero, donc allez, je vais... Vous avez envoyé quoi? Calogero. Non, vous n'avez pas envoyé Calogero. Non, c'est vrai. Non, je vous promets, c'est pas Calogero. Rappelez-moi alors, parce que j'ai oublié. C'est pas Calogero. Mais si, je lui... Non, je vous promets que non. C'est qui alors, Annie Cordy? Non. Allez, ça vous dit rien, ça? Non. Oh mince. Allez, c'est pas Calogero, vous avez envoyé Calogero? Ouais, je vous le dis. Ah mince. Trop tard maintenant, ça y est. Hein. Ah mais non, parce qu'il faut sélectionner quelqu'un qui donne la bonne réponse. Oh, vous n'êtes pas doué, hein, les gars. Ah, je suis vraiment désolé. Non, mais je suis vraiment... Mais alors là, je suis vraiment désolé parce qu'en plus, je vous appelle, je vous fais une blague et vous me dites c'est Calogero, mais c'est pas Calogero. Non, mais vraiment, vous n'avez pas envoyé Calogero. Je sais, mais si j'ai envoyé Calogero, je suis quasi sûre. Mais c'est pas Calogero. Ben, tant pis pour vous, hein. Ah, pas pour moi, hein. Moi, trop tard, vous m'avez appelé. Mais il faut la bonne réponse. Il faut la bonne réponse pour gagner. Donc, de toute façon, j'ai un lot de consolation, alors. Oui, on va vous offrir un petit lot de consolation. On va prendre vos coordonnées et on va vous envoyer un petit lot de consolation. Je pense que c'est la moindre des choses. Et les réclamations, c'est où en fait? Alors, vous appelez le 101, d'accord? Et vous dites que c'est une honte, c'est une catastrophe. Vous appelez le 101, vous faites venir les GIs ici et vous dites que l'animateur, là, à 13h, vous avez intérêt à l'arrêter parce que là, ça ne va pas. Hein, il débloque. Hein. On fait comme ça? Alors, oui, ça va. Non, mais on a vos coordonnées, on va vous envoyer un cadeau de consolation, d'accord? On va appeler quelqu'un qui a envoyé la bonne réponse. Parce d'accord. que c'est pas Calogero, ce sera dans un instant sur Vivacité. D'accord, ça va. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Plage de sable blanc, Bob Marley et culture reggae, la grande évasion vous emmène dans les Caraïbes, en Jamaïque. Jeter vous offre un séjour de rêve en all-in sur la plage Lagon de Negril, à l'hôtel 5 étoiles Rio Palace Tropical Bay, avec notamment 2 piscines, 5 restaurants et un centre de spa. Vous connaissez déjà la Jamaïque? Dites-le nous sur la page Facebook de l'émission La Grande Évasion, Vivacité RTBF. Avec Pierre Joie et Aurore Salzano. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage d'Ewaï. Le Monde Sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Jusqu'à 13h sur Vivacité. Un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. As the day will come to shore and wash me up at your front door, never knew you take me back. Now it seems if all too clear, funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. C'était Peggy sur Vivacité. Et on va tenter d'appeler un gagnant hein, de notre grand concours qui vous envoie donc dans les travées d'Océade et de Mi-Europe, deux parcs très sympathiques, quatre entrées, et on compose un numéro de téléphone de quelqu'un qui a priori a envoyé la bonne réponse. En espérant que ça décroche. Bonjour, bienvenue sur Vivacité. Oui. Quel est votre prénom? Sophie. Alors Sophie, on va pas y aller par quatre chemins, je vais tout de suite vous demander si vous avez la bonne réponse. On va réécouter oui, l'extrait. C'est... L'extrait que voici. Vous dites... Mylène Farmer. Oui. Et pas Calotero. Ah ben non. Ah ben voilà. Ouais non oui, mais... Oui. C'était du bêtisier, comme dirait Sylvain. Hein. C'était du bêtisier, voilà. On a sorti les rames, on était mais au milieu du lac, hein, et voilà, on a perdu une des rames et l'autre aussi, et puis voilà, on a dû faire confiance au vent pour passer de l'autre côté. Mais heureusement, une fois de l'autre côté, on vous a appelé. Hein, et tant vous mieux, avez la bonne réponse. Bon, alors vous êtes en oui. congé, vous êtes au travail? Eh bien, je suis en congé, je suis en train de repeindre ma cuisine. Ah, ça c'est un programme. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui profitent des congés pour faire des travaux, donc il n'y a pas de vacances voilà. pour vous ? Si, c'est des vacances, mais travaux dans la maison, voilà. Oui, donc vous partez pas, quoi.

pianiste Michel Berger était sur Vivacité. Dans quelques instants, Émilie de Kegel viendra nous faire le top 3 de l'Inde. Oui, parce qu'on voyage grâce à Émilie. Et puis elle sera là tout à l'heure entre 13 et 15 heures pour l'été du bon côté. Et on va parler lecture aujourd'hui. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et comme tous les jours à cette heure-ci, nous évoquons le beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. Et ce samedi, toute l'équipe vous propose d'aller vous balader à pied, à vélo ou à cheval même, à cheval, dans la région de Namur. Namur, capitale de la Wallonie, mais aussi du vélo. C'est ce que va nous confirmer Adrien et son invité qui s'appelle Alice Gobier du SPW, du Service Public Wallonie. Bonjour monsieur, dame. Bonjour à toutes et à tous, J-4 pour le beau vélo de Ravel à Namur. Là, on peut le dire, Alice Gobier, bonjour. Bonjour. Vous qui travaillez pour le service public de Wallonie, on n'est pas chauvin, mais Namur, c'est un peu une capitale pour le vélo. Ben oui, moi je suis namuroise, donc je ne vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que Namur, c'est une commune pilote Wallonie cyclable et elle a développé beaucoup de choses en faveur du vélo depuis plusieurs années. Le projet évidemment auquel tout le monde pense lorsqu'on dit vélo et Namur, ce sont les vélos bleus en libre service qu'on voit partout dans la ville, les Libia Vélo, et ils ont vraiment un grand succès auprès des habitants. Mais ici à Namur, il y a aussi beaucoup de rues qui ont été mises en sens unique limité. La ville a aussi étendu la zone 30 du centre-ville jusqu'à certains quartiers périphériques. C'est une vraie mesure de sécurité pour les cyclistes si les voitures roulent moins vite. Et les sens uniques limités, ça permet aux cyclistes de raccourcir leur temps de trajet. Et la ville a aussi choisi de mettre en avant le vélo à assistance électrique puisqu'elle offre depuis plusieurs années à ses habitants une prime à l'achat. Alors voilà, parce que ça reste quand même quelque chose qui est très coûteux. D'ailleurs pour ces vélos musculaires, hein, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Tout à fait. Ces vélos musculaires. Le Ravel aussi est très très présent à Namur. Oui, on a plusieurs Ravels et de nombreux itinéraires qui passent par Namur. Il y a celui de la Meuse à vélo qui est le premier itinéraire cyclable de longue distance complètement signalisé et balisé en Wallonie. Il parcourt 155 km en fait en suivant l'une des plus belles vallées fluviales d'Europe. Et en fait, vous pouvez vraiment le commencer à partir de la frontière hollandaise à proximité de Maastricht. Ou alors vous démarrez de l'autre côté, à la frontière française à Givet, près de Givet. Vous allez longer la Meuse dans des paysages vraiment splendides, tout en découvrant le patrimoine naturel et industriel de Wallonie. Une belle manière de parcourir la Wallonie, mais aussi l'Europe. Oui, parce que la Meuse à vélo, c'est aussi un itinéraire qui a pour but de relier la Wallonie aux autres pays européens voisins. L'idée, c'est d'avoir un itinéraire vélo touristique le long de la Meuse, depuis sa source au sud de la Haute-Marne en France, jusqu'à son embouchure au sud de Rotterdam, aux Pays-Bas. En tout, on a plus de 1000 km qui vont être balisés la Meuse à vélo. Et la région Wallonne travaille continuellement avec ses voisins français et hollandais pour faire la promotion de cet itinéraire. De manière générale aussi, et pour l'anecdote, il faut savoir que beaucoup de pays européens nous envient notre réseau Ravel, qui est l'un des plus performants en Europe. Ah ah, cocorico, c'est bien. Et c'est chez nous que ça se passe. Venez vivre ça, venez pratiquer avec nous Libia Vélo à Namur. Ce sera ce samedi, 13 août, sur les hauteurs de la Citadelle. À samedi. À samedi. À samedi pour cette journée événement du beau vélo de Ravel qui se terminera par une prestation acoustique de B.G. Scott notamment. Toutes les infos sur notre site internet vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vivacité présente lundi 15 août le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue, jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens, plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Chérie ! Bonjour. Oula ! Vous êtes qui, vous ? C'est moi, ta femme, mais en version upgradée. Ah ouais ? Un petit massage pour chasser tout ce vilain stress. Oh, allez, viens, mon animal. On monte, ne faisons pas attendre ma meilleure amie. Ouh. Et pourquoi ne pas upgrader aussi votre vie ? Avec un break Mercedes classé de chez Nearly New Car, par exemple. Vous en trouverez déjà un au prix indécent de 17 999 euros sur nnc.be. Nearly New Car. Bye, Mercedes-Benz. Ce week-end, le créateur, c'est vous. Vendredi et samedi, recevez 15%, oui, 15% de réduction sur tous vos achats pour réaliser vos plus belles créations. Pour les makers, Brico. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one. Charlie sur Vivacité, Charlie Puss, One Call Away. Je vous emmène en Italie. Ah oh, bien. Ouais, avec bien, Enrique bon. Iglesias, il est troisième. Hein, ouais. Avec Duel El Corazon. Numéro 2, c'est Alvaro Soler. Ah oui, d'accord. Ouais. Je pense que l'été dernier chez nous, il y avait un Alvaro Soler aussi. Mais cet été, c'est un peu plus discret. Mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, les deux que vous venez de nous présenter chantent quand même en espagnol. Pour l'Italie, c'est bien. Oui, oui, c'est, bien. C'est le hit parade d'Italie. Hein, oui, non, mais le hit Italie. Voilà. Pardon, vous voulez de l'italien? Eh bien, écoutez le numéro 1. Hein. Ah oui. Alors, ça c'est de l'italien. C'est du rap italien, j'avais jamais entendu. Le son est terrible. Et ça s'appelle comment ça? Le gars s'appelle Fabio. Ah, mais c'est ça. Fabio Rovazzi. Voilà. Enchanté. Il est numéro 1 et c'est un truc de fou quand même. Et le titre c'est Andiamo a comandare. Ça veut dire aller à la commande. Bah oui, Andiamo c'est allez, Andiamo, on y va, let's go. Et si on allait en Inde? Mais oui, parce que c'était votre défi. Oui, alors l'Inde, ça nous fait penser à ça. Oui. Bollywood, c'est Bharati ça, c'est ça hein. Exactement. Ouais. Mais ce n'est pas que ça. Dans le top 3 en Inde, on a ceci. Ah, ça change hein, du tout au tout. Ouais. C'est The Chainsmokers avec Elsie. Alors, en numéro 2, on a ça. 21 Pilots, ils font un carton oui. Et ça fait partie de la bande originale du film Suicide Squad avec oui. Mais 21 Pilots, c'est un nom qui me dit quelque chose. Ouais, on a déjà entendu parler ouais, de ce truc. Tout à fait, mais oui. Pas avec ce titre-là, ça cartonne en Inde. Et alors numéro 1, bah, de toute façon elle est partout. Avec Sean Paul. The chip, il mange des chips au paprika. Mais on n'appelle pas des chips en Inde, hein. C'est les trucs là, qu'on vous sert dans les restaurants indiens, les petits trucs tout fins, là, ça s'appelle comment ça? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe. Des quoi? Des nouilles. Frites, mais non, c'est pas des nouilles, Sylvain. Non, c'est pas des nouilles. C'est ils servent ça en apéro. Il y a un truc qui arrive avec du cumin dedans. Uh-huh. Qui est très bon quoi. C'est un peu comme des chips hein, mais c'est vraiment très très fin comme ça. Je ne sais pas. C'est une blague ou vous cherchez vraiment? Ah, mais je cherche vraiment. Ah d'accord, là, très bien. Alors un appel est lancé. Voilà. Alors bon. Demain on va où? Je vous propose d'aller en Australie demain. D'accord. Donc à Sydney ou où vous voulez en Australie. Ok, voilà. C'est noté. Au pays des koalas. Et des kangourous. Voilà. Parfait, c'est noté. Donc l'Australie pour Émilie demain, c'est son défi. Et dans un instant, ce sera l'été du bon côté. Avec un bon bouquin. Enfin plusieurs, hein. Ouais, une flopée de bouquins. Beaucoup de bouquins et Michel Dufrane. J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse. La dernière danse avec Kyo dans un instant, Émilie de Kegel, après le journal, mais tout de suite la météo, Nicolas Xavier Ladouce. Dis, votre partenaire pour l'été, solaire, mini-format, premier soin, tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Très bonne journée à tous, de belles éclaircies en alternance avec des nuages cet après-midi. Des passages d'averses attendus également du nord à l'est du territoire, autrement dit de la Campine au versant nord de l'Ardenne. Une averse pourra toutefois déborder également sur une partie centrale du territoire. Le temps sera plus sec, plus on ira vers le littoral ou encore le Hainaut occidental. Le vent sera modéré de nord-ouest avec un effet rafraîchissant, 16 degrés sur le relief, 18 à 20 degrés ailleurs. Après une accalmie en soirée et en début de nuit, de nouvelles averses vont débarquer de la mer du nord par l'ouest du pays en cours de nuit. Minima bien bas, 6 à 8 degrés seulement sous le ciel ardennais, 10 à 12 degrés ailleurs. Demain, des périodes de temps sec avec éclaircies vont alterner avec des moments bien nuageux, avec des averses dès la matinée. Elles seront parfois ponctuées d'un coup de tonnerre. Les températures seront remarquablement basses pour la saison, 13 à 18 degrés, autrement dit entre 4 et 7 degrés sous les normales saisonnières. Vivacité présente la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24 pour la Nuit des Étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Le roi Philippe et la reine Mathilde à Charleroi ce midi. Ils sont venus soutenir les policiers fort marqués par l'attaque à la machette qui a fait 2 blessés graves samedi. La première visite du président turc à l'étranger depuis le putsch manqué. Erdogan est à Saint-Pétersbourg aujourd'hui en Russie. Un rapprochement russo-turc qui inquiète les Occidentaux. Et nous terminerons par un petit tour dans les rues de Bruxelles où les amateurs de folklore se retrouvent autour d'une bonne bière aujourd'hui pour le Meibo.